I talked about the benefits of practicing Vipassana meditation briefly. There are 7 benefits. Our yogis have listened. Through listening the talk about the benefits, you may have desire to attain enlightenment. Yes. When we know our samsara, the life cycle, can be shortened by attaining enlightenment. So we want to attain enlightenment. Hier, je vous ai parlé brièvement des bénéfices qu'amène la pratique de la méditation vipassana. Il y a au total 7 bénéfices à cette pratique. Le fait de savoir quels sont ces bénéfices va peut-être faire surgir en vous le désir d'atteindre l'illumination. Lorsqu'on sait que le cycle du samsara peut être coupé par l'illumination, le désir de l'atteindre va se manifester. Il faut savoir que si l'on n'atteint pas l'illumination, on sera amené à reprendre naissance ad vitam aeternam et pas toujours dans les bons plans. La renaissance dépend du karma. Si le karma est positif, nous reprendrons naissance dans de bons plans. Les bons plans, ce sont les plans de Deva ou le plan humain. Si le karma est négatif, nous reprendrons naissance dans les plans inférieurs. Il n'est donc pas possible que la renaissance soit garantie dans tel ou tel plan. Mais par la pratique de Vipassana, nous avons la possibilité de comprendre le Dhamma et d'atteindre l'illumination. Le fait de savoir tout cela va probablement faire surgir en nous le désir d'atteindre l'illumination. J'ai parlé du désir d'atteindre l'illumination, mais en réalité, il vaudrait mieux utiliser un autre terme, l'intention, qui se dit en pali, chanda, l'intention d'atteindre l'illumination. Le mot désir implique qu'il y a une certaine forme d'attachement, c'est pourquoi on utilise plus volontiers le mot intention. Quand on pratique la méditation, il faudra cependant oublier cette intention d'atteindre l'illumination. Il faudra tout simplement noter tout ce qui surgit dans le corps et dans l'esprit. Tout ce qui se manifeste aussi porte sensoriel, comme voir, entendre, sentir, goûter, toucher et penser. Le vénérable Mahasi Sayadaw nous demande de noter les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, la posture assise, le toucher, tout ce qui pénètre en nous par les 6 portes sensorielles. Il nous demande également de noter et d'étiqueter tous ces phénomènes. Mais le fait d'étiqueter n'est pas très important en soi. Ce qui est important par contre, c'est d'expérimenter la véritable nature des choses. La technique de l'étiquetage est cependant très utile, surtout au début. Il faudra comprendre le fonctionnement de l'esprit. On nous demande d'observer avec beaucoup de précision les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Mais l'esprit résiste. Nous n'arrivons pas à le maintenir toujours sur l'objet. Vous pouvez constater par vous-même que malgré vos efforts, votre esprit ne reste pas sur l'abdomen. Il pense beaucoup, il vagabonde, il est très rapide, il n'est pas facile à contrôler. Tout ceci, ce sont des expériences authentiques que vous faites pendant la méditation. Lorsqu'on observe les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, c'est l'objet primaire d'attention, il nous est demandé d'étiqueter ces phénomènes de façon très précise. Si nous les étiquetons chaque fois qu'ils ont lieu, l'esprit ne partira pas facilement. Mais nous ne sommes cependant pas encore capables de suivre ces mouvements du début à la fin. Vous ne voyez pas quand votre esprit s'échappe. C'est pour toutes ces raisons qu'au début, il est très utile d'étiqueter le phénomène. J'ai mentionné l'objet primaire d'attention, mais en fait, les mouvements de l'abdomen ne sont pas les seuls objets qu'il faudra étiqueter. Il faudra également noter et étiqueter tous les contacts sensoriels, comme voir, entendre, sentir, goûter, toucher et penser. Tous ces objets doivent également être étiquetés. Si l'esprit réussit à noter les objets avec précision, la confiance va se manifester. Le vénérable Mahasi Sayadaw nous illustre tout cela par un exemple. Noter avec précision, explique-t-il, c'est comme jeter de la boue sur un mur, et la boue reste collée au mur. Si c'est le cas, la joie va se manifester. C'est la même chose en méditation. Il est très difficile d'arriver à noter de façon constante les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Tant que l'attention sera faible, l'esprit aura tendance à vagabonder. Si c'est le cas, l'ennui va se manifester dans l'esprit, ou l'aversion, ou le découragement. Mais petit à petit, le méditant devient capable de noter les mouvements de l'abdomen avec précision. Il lance la boue sur le mur et cette boue colle au mur. Tout ceci va faire surgir la joie. Lorsque le méditant constate que son esprit reste fixé sur l'objet, la joie se manifeste. Il a confiance. Et cette confiance va avoir pour résultat qu'il aura le désir de noter de plus en plus. Si on est capable de noter avec précision les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen et tous les phénomènes qui se manifestent dans le corps et dans l'esprit, la confiance va apparaître, et avec la confiance, le courage. Arrivé à ce stade, le méditant est capable de voir les pensées au moment où elles surgissent. Il voit également que la pensée disparaît au moment où il la note. Tout ceci est dû au fait que l'attention s'est développée. Au début de la pratique, vous ne pouviez pas noter les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen avec précision. Mais maintenant que votre attention s'est développée, vous êtes de plus en plus attentif et précis dans votre observation. Vous pouvez noter facilement les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, les sensations, les pensées, parce que votre attention s'est développée. Mais vous croyez vous pensez maintenant que vous n'êtes que tout doucement vous devenez incapable de noter correctement les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, parce que ces mouvements vous apparaissent de façon beaucoup plus précise qu'avant. Vous avez l'impression de ne plus être capable de les noter comme vous le faisiez précédemment. Au début de la pratique, vous étiez en mesure d'observer les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen et vous pouviez les noter de façon générale. Le mouvement vous apparaissait très clairement de façon générale et vous pouviez étiqueter facilement ces phénomènes. Tout ceci a fait surgir en vous la joie. Mais maintenant que votre attention s'est développée, la situation est différente. Ce que vous ressentez n'est plus aussi grossier, mais plus aussi général. Vous ressentez ces mouvements de façon beaucoup plus subtile. Ils vous apparaissent comme étant beaucoup plus détaillés. Mais, arrivé à ce stade, en fait, vous commencez à voir clairement, parce que votre attention s'est développée. L'objet d'observation est le même, ce sont les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, mais la compréhension que vous en avez a changé. Vous ne voyez plus l'abdomen dans sa forme extérieure, mais vous ressentez une sensation très subtile de mouvement. Tout ceci fait surgir en vous la confusion. Vous vous posez des questions, vous vous demandez si votre pratique ne s'est pas détériorée. Vous vous dites que vous étiez capable d'observer très facilement les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, que vous étiez capable de les noter, de les étiqueter très facilement, et maintenant, il semble que vous ne voyez plus les choses aussi clairement. Vous avez l'impression que votre esprit n'est plus aussi vif qu'avant. Et à l'entretien, ce méditant explique qu'il n'est plus capable de voir clairement les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, alors que précédemment, il en était capable. Il n'est plus capable non plus de les étiqueter. Et tout ceci a fait surgir en lui le découragement. Il a l'impression que sa pratique a régressé. Le professeur doit alors le rassurer. Il lui dit de ne pas s'inquiéter. Il lui explique qu'il n'est plus capable d'étiqueter comme avant, tout simplement parce que sa pratique a progressé et que son observation porte sur la réalité. Il lui demande de ne pas forcer. Tout ceci explique les paroles du vénérable Mahasi Sayadaw. Le fait d'étiqueter n'est pas la chose importante. Ce qui est important, c'est d'expérimenter la véritable nature des choses. Mais expérimenter la véritable nature des choses n'est pas possible au début de la pratique. Il faut pour cela que l'attention se soit développée. Au début de la pratique, vous observez et notez les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen et chaque fois vous les étiquetez. Mais après quelque temps, votre attention se sera développée et vous expérimenterez la véritable nature des choses. À ce stade, vous ne pourrez probablement plus étiqueter les phénomènes, tout simplement parce que vous ne voyez plus la forme extérieure. Vous ressentez le mouvement directement. Mais tout ceci doit être naturel et ne peut pas être forcé. Lorsque l'attention se développe, tout naturellement, le méditant expérimente à un niveau plus subtil. Pendant la marche, c'est la même chose. Au début, vous vous efforcez de maintenir votre esprit sur le mouvement des pieds. Ceci n'est pas facile. Votre attention va progressivement se développer et vous pourrez bientôt suivre tous ces mouvements avec beaucoup de précision. Votre esprit sera bientôt absorbé dans l'objet d'attention à chaque pas. À ce stade, vous ne voyez plus la forme extérieure du pied. Même si, par moment, vous voyez la forme extérieure, mais en même temps, vous expérimentez le mouvement. Votre attention va encore se développer. Et bientôt, vous ne verrez plus la forme extérieure, vous n'expérimenterez que le mouvement. Arrivé à ce stade, vous aurez l'impression que le temps passe très vite, que l'heure de méditation en marche est très courte, parce que vous expérimentez un niveau plus subtil. Donc, si vous n'arrivez plus à étiqueter les phénomènes comme vous le faisiez au début de la pratique, ne vous inquiétez pas. Soyez naturel, s'il ne vous est pas possible d'étiqueter, vous n'étiquetez pas. On vous répète souvent que Vipassana, c'est comprendre la véritable nature du corps et de l'esprit. Ceci va provoquer chez le méditant la curiosité. Il voudrait savoir ce que c'est la véritable nature du corps et de l'esprit. Il voudrait savoir à quoi correspondent ces mots. Et lorsqu'il pratique, au lieu de noter attentivement les phénomènes physiques et mentaux qui se manifestent, il se met à espérer quelque chose. Il recherche quelque chose. Il voudrait réussir à comprendre la véritable nature des phénomènes. Cet état d'esprit est très fréquent chez les méditants. C'est dû au fait qu'il entend les enseignements sur le Dhamma et au cours de ces enseignements, on lui explique la théorie. On lui explique que la pratique de Vipassana va lui permettre de comprendre la réalité. Il est très difficile d'éviter ce genre d'état d'esprit. Les maîtres de méditation recommandent aux élèves de ne rien espérer, de ne rien rechercher lorsqu'ils pratiquent, mais malgré ces recommandations, ces états d'esprit se manifestent très fréquemment chez les méditants. Comment faut-il faire pour gérer cette situation? Lorsque le désir de trouver quelque chose ou l'espoir de réaliser quelque chose se manifeste en soi, il faut noter désir d'expérimenter. Ces états d'esprit doivent être notés à l'instant précis où ils se manifestent. Si on veut réussir à voir la véritable nature des choses, le seul moyen, c'est de tout noter, de noter tout ce qui se manifeste dans le corps et dans l'esprit. Il faut pratiquer ce que l'on appelle l'attention pure. Si nous recherchons quelque chose au moment où nous pratiquons, nous ne verrons rien. Si nous espérons quelque chose, cela veut dire qu'on ne voit rien. Parce que au moment où nous espérons, au moment où nous recherchons quelque chose, en réalité nous ne sommes pas attentifs. Nous espérons quelque chose. On pense, on se pose des questions, on espère, mais on oublie de noter. On se pose toutes sortes de questions. Qu'est-ce que Maga? Qu'est-ce que Pala? Que veut dire la véritable nature des choses? À cause de toutes ces questions que l'on se pose, à cause de ces états d'esprit, on oublie de noter. Le yogi doit donc s'efforcer de tout noter attentivement. S'il le fait, son attention va progressivement se développer. Les sensations grossières vont disparaître pour faire place à des sensations plus subtiles. Les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen qu'il ressentait de façon générale et grossière au début vont lui apparaître maintenant à des niveaux plus subtils. Pourquoi ce yogi a-t-il progressé? Parce qu'il s'est contenté de noter attentivement tout ce qui se manifestait. Il n'espérait rien, il ne recherchait rien. Il notait tout simplement. C'est pour cette raison que son attention s'est développée et qu'il est maintenant en mesure d'expérimenter à des niveaux beaucoup plus subtils. Lorsqu'on dit qu'il ne faut rien espérer, qu'il ne faut rien rechercher, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir l'espoir de réaliser certaines choses, car cet espoir porte sur les bénéfices de la pratique. Il est légitime de vouloir se purifier l'esprit, de vouloir remporter la victoire sur le chagrin et les lamentations, de vouloir faire disparaître la souffrance physique et mentale, de vouloir atteindre le noble chemin. Toutes ces choses, il faut les espérer. Mais quand on pratique, il faut éviter de se fixer un programme. Certains méditants, qui disposent par exemple d'une semaine, se disent qu'ils voudraient atteindre tel ou tel stade pendant cette période. Mais tout ceci va ne faire qu'amener l'agitation dans l'esprit. Il faut au contraire rester très calme et se contenter d'être simplement attentif. Plus on espère quelque chose, plus on s'éloigne du but. C'est comme quand nous étions jeunes. Nous jouions avec notre ombre. On essayait de marcher sur son ombre, mais c'est impossible. L'ombre nous suit partout où nous allons. Il est inutile de vouloir la toucher. En méditation, c'est la même chose. Il faut se contenter de noter. Ce sont les instructions. Si on se contente de noter tout ce qui se manifeste à chaque instant, l'expérimentation va se produire. Il est inutile et superflu d'espérer ou de rechercher quoi que ce soit. Il faut donc réussir à comprendre la vraie nature des choses. La vraie nature des choses, c'est anicca, l'impermanence, dukkha, l'insatisfaction, et anatta, le non-soi. La pratique de vipassana va nous permettre de vérifier tout cela par nous-mêmes. Selon le Bouddha, tout est anicca, impermanent, dukkha, insatisfaisant, et anatta, insubstantiel. Le Bouddha a réalisé ces caractéristiques par sa pratique. C'est son enseignement. Comme nous pratiquons l'enseignement du Bouddha, nous allons réussir tôt ou tard à expérimenter ces trois caractéristiques par nous-mêmes, dans notre propre pratique. Le fait de réaliser par nous-mêmes va faire surgir en nous la confiance. Tout simplement parce que nous avons pu vérifier par nous-mêmes la véracité de l'enseignement du Bouddha. Ceci, c'est une des qualités du Dhamma que l'on appelle en pali Ehipasika. Viens et vois par toi-même. J'ai compris par moi-même anicca, dukkha et anatta. Je les ai expérimentés dans mon propre corps et mon propre esprit. Étant donné qu'on a expérimenté par soi-même, on est en mesure d'accepter l'enseignement du Bouddha. Étiqueter ou noter est donc très utile et très important, car c'est en étiquetant les phénomènes que la concentration va se développer. Si on n'étiquette pas les phénomènes, l'esprit aura tendance à vagabonder. Il sera souvent distrait. On pensera beaucoup. Le Bouddha nous dit que l'esprit n'est pas facile à contrôler. Vous avez pu le constater par vous-même. Si vous êtes très attentif, vous pourrez constater qu'il est difficile de maintenir l'esprit sur les mouvements de l'abdomen. Il est très sauvage et vagabonde beaucoup. Il faudra donc fournir une énergie mentale. Étiqueter les phénomènes, les noter, exige une énergie mentale. Si on fournit cette énergie mentale, l'esprit finira par rester sur l'objet. Vous pourrez le contrôler et tout ceci va avoir pour résultat que vous expérimenterez. Si donc on fournit l'énergie mentale, l'esprit reste sur l'objet, quel qu'il soit. Les mouvements de soulèvement ou d'abaissement de l'abdomen, les douleurs, les sensations. Cette énergie mentale va vous permettre de contrôler votre esprit. En pali, on parle de atapa. Atapa, c'est le fait de fournir un effort physique et mental. Si on ne fournit pas atapa, l'esprit ne restera pas fixé sur l'objet. That is enough for today. May you be well and happy. May you be able to practice meditation diligently. Through your practice diligently, may you understand the Dhamma clearly, then attain Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu.